sur papa pour calmer mes tracas. On passe sur papa pour calmer mes tracas. Pour le remplir faut qu'on passe par le placard. On n'a pas la chance d'être né dans un château, mais dans un studio où y'a beaucoup de vacarmes. On se lève du pied gauche, on dort de l'œil droit. Beaucoup de problèmes donc sous lit à la cas. Souvent les plus pauvres aident à sortir de la cata. Pendant que les plus riches pensent plus à leur prorata. On taffe sous la pluie avec ou sans parka. Réussir c'est dur, on mène une vie de bâtard. J'laisse parler les putes, enchaîne quoi je suis capable. Les temps ont changé, puis l'époque du cartage. Compte tout sur moi-même, même les potes peuvent se mettre à table. Parle sur mes côtes comme chabot. Je suis implacable, y'a rien qui m'atteint sauf quand tu parles des miens. Serre-moi pas la main si derrière tu te plains. Je sais d'où je viens, je sais pas où je vais. Mais ce qui est sûr c'est qu'on est sûr de rien. Un mal pour un bien mais le bien n'est pas acquis. Des fois je me demande même mon pif est acquis. Est-ce que je le mérite, est-ce que je le vaux bien? Non c'est pas L'Oréal ni le Réal qui me met bien. La française des jeux on y perd plus qu'on gagne. Comme le potolo je me remets sur les rails. On les laisse dans le nez, nos cloisons sont intactes. Mon zen a encaissé que des coups de full contact. Je suis un jeune comme un autre, j'aime les clés sur le contact. Je voudrais faire du bien mais le mal me contacte. On est plus proche de la mort, la vie est un combat. La vie est un combat. Toujours mis sur attente, aucune personne atteinte. S'il faudrait porter plainte, j'aurais carte de la BAC. J'ai connu le banc mais pas celui de la fac. Je connais les menaces et les gens qui t'attaquent. Y'a pas besoin d'être 50, juste un homme et des actes. Les boycotter le place, tu vois bien qu'on est hal. Dans le rap on n'a pas faim mais gros plutôt la dalle. J'crois même que j'hésiterais entre le son et la malle. On est mal vu partout par notre style ou nos bails. Mais ce qu'ils savent pas c'est que leurs fils ils sont fans. J'inspire pas la violence mais cherche plutôt la faille. J'viens de la cité mais pas de l'esprit racaille. J'ai fumé du shit, j'ai vu vendre le détail. Mais c'est pas pour autant que j'ai suivi la caille. Y'a trop de préjugés, ton regard pour sur présailles. J'aimerais changer les choses, même le ciel de la grisaille. Un texte réfléchi vaut mieux qu'un coup de cisaille. Te vis pas à la bille ou ni même à la taille. J'dis pas que c'est la haisse pour chacun de nous. Mais beaucoup mériteraient bien plus que vous. Tu m'en veux donc j't'en veux, c'est la loi du plus fort. Ici le plus faible n'a pas besoin de renfort. Y'a très peu de gens fiables donc j'ai sur qui compter. Comme les pattes d'un clochard, ta vie a un goût fade. Et celui qui meurt de faim direct c'est une bonté. Faut savoir se plaindre et surtout accepter. Se contenter ce qu'on a et jamais regretter. J'en ai marre de cette vie, j'voudrais quitter la ville. J'en ai marre de ces bruits, j'voudrais être sur une île. J'en ai marre de ces cris, de la grisaille et de la pluie. J'aimerais juste pouvoir vivre, j'aimerais juste pouvoir vivre. J'en ai marre du mépris, des critiques et des vices. Des gens tristes et gris, des gens tristes et gris. Le pays part en vrille, pour l'argent le profit. Trop fini sous les gris, trop fini sous les gris. Deuxième couplet, je crois bien que j'en ai trop dit. Ça parle de taudis, mais roule dans des audis. Quand t'accèdes au bonheur, les haineux te maudit. J'ai vu ce mec prendre des coups jusqu'à même en vomir. Et cette femme se faire battre, s'enfuir et revenir. S'enfuir et revenir. Si Dieu existe vraiment, faut qu'il change l'avenir. Un jour on va partir, personne pour te retenir. Donc sale putain, je vais pas t'entretenir. Prends-la juste dans tes mains, fais des va et venir. Je parle pas très bien français, mais bon, tu m'as compris. Pour avoir du succès, faut pas avoir talent. Mais juste savoir se servir de sa langue. Les boycotter mon gang, jamais je les oublierai. Et s'il faut pour eux, je finis aux oubliettes. Je prends pas en Roméo, je veux juste baiser Juliette. Je prends plombe, prune rouge, sous grosse, même avec les lunettes. Je suis cassé, c'est fini et je change des cuvettes. La plomberie, le tuyau est juste pour ma mine. Je suis passé par des mauvais moments. Si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à ma maman. Le frérot, le daron, la sœur et les bons gens. Des fois je parle, tu m'écoutes, mais pour toi c'est du vent. Je préfère être la tortue, je pars tout lent mais sûrement. J'en ai marre de cette vie, je voudrais quitter la ville. J'en ai marre de ces bruits, je voudrais être sur une île. J'en ai marre de ces cris, de la grisaille et de la pluie. J'aimerais juste pouvoir vivre. J'aimerais juste pouvoir vivre. J'en ai marre du mépris.